était brun, t'as basané. Le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas. Les vertiges et la peur, vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, t'es bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, vide. Tourner dans le vide, vide, vide. Tourner dans le vide, il me fait tourner. Dans le vide, vide, vide. Tourner, tourner dans le vide. Tourner dans le vide, il me fait tourner. Et qui peut bien me dire ce qui est arrivé? Depuis qu'il est parti, je n'ai plus m'en relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé. Quand c'est dans mes yeux qu'il ne veut plus s'en aller. Oh non, ne riez pas, vous qui ne connaissez pas. Les vertiges et la douleur, ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Mais c'était un moment, mais bien plus que ça. J'espère le revoir là-bas dans l'au-delà. Aidez-moi tout s'effondre puisqu'il n'est plus là. C'est-tu mon bel amour, mon beau soldat, que tu me fais tourner dans le vide, vide, vide. Tourner dans le vide, vide, vide. Tourner dans le vide, tu me fais tourner. Dans le vide, vide, vide. Tourner, tourner dans le vide. Tourner dans le vide, il me fait tourner. Il me fait tourner dans le vide. Tourner dans le vide. Tourner dans le vide, il me fait tourner dans le vide. Il tourne dans le vide. Tourner dans le vide. Tourner dans le vide. Il me fait tourner. Tourner dans le vide. Comme une enfant, que veux-tu que j'y fasse? Rien n'est plus enivrant. veux s'accrocher à toi et d'y croire tout le temps. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route et sur ce pont. Ici la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuages en nuages, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi plus ne rime, plus rien ne rime, rime. Et je m'abîme. Cette photo d'antan, il n'est pas fou, il croit c'est tout, il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. À part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul, il lui parle souvent. Il n'est pas fou, il l'aime, c'est tout, il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort près de toi, je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie, arrête. Arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le bord. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. C'est ta love story, c'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie, love story. Des cris de joie, quelques larmes, on s'en va. On vit dans cette love story, love story, love story, love story. Cause you wanna run, never stop. Trop déterminé.

sur terre. Mille et une couleurs qui font battre mon cœur au rythme des saisons, le temps d'une chanson. Sous un sol pleureur, je rêve d'une vie meilleure. Mais il faut être fort, alors j'attends encore. Je bouge la terre, le feu, la mer, en rythme avec le vent, l'hiver. Un éclat de joie, une langue salée. Et je tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Dans la nuit sombre, je cherche l'éclair. Est-ce un rêve ou une misère? Dans chaque rue, je perds ma voix et je vole. Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole.